Bonsoir. Bienvenue sur Comme un ouragan. L'émission féministe sur Radio Dio, tous les mardis, une fois sur deux, de 21h à 22h. Alors ce soir, on va faire une émission spéciale sur regarder le monde avec des lunettes palestiniennes, avec des lunettes féministes, et on veut regarder le monde, on veut regarder la Palestine avec ses lunettes féministes. Pour ça, on a deux invités spéciales ce soir. Monira, tu veux bien te présenter un petit peu ? Coucou, moi c'est Monira de BDS Saint-Étienne et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Nous aussi, on est très contente que tu sois là. Bonsoir, je suis Amal Rodrout, je suis de Palestine. Et vous ? Et déjà, ravie pareil hein, que tu sois là et que tu nous rejoignes pour faire cette émission. Merci beaucoup à vous deux là, d'être présentes en studio. Et nous, là en l'occurrence, en studio, il y a Jo et moi, Alice, de l'équipe de Comme un ouragan. L'émission féministe. Du coup, on avait envie de commencer par faire une petite intro sur dire pourquoi nous, ça nous importe de faire cette émission. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est important. Déjà, c'est la deuxième émission qu'on fait sur cette question. On avait déjà fait une longue interview de Monira, on avait cherché un peu à comprendre ce que c'était BDS. Et moi, une des choses qui me touche déjà, c'est que j'ai grandi en France et... La France, c'est un pays colonial et pour moi, ce qui se passe en Palestine, c'est une situation coloniale qui découle du passé européen. Donc je m'en sens responsable et j'ai envie de faire circuler des informations depuis la Palestine pour que la situation elle, se transforme. Oui, et puis parce que on est une émission féministe, mais on est surtout une émission qui lutte contre toutes les injustices de ce monde, et que la situation de colonisation en Palestine, c'est une situation de violence et de violente et injuste, et qu'on a envie de la dénoncer et de s'y intéresser et d'en causer avec des invités. Puis aussi, comme un ouragan, ça, on a envie d'être en solidarité avec d'autres femmes ou avec des personnes queer et du coup aussi de Palestine. Et ça nous importe spécialement parce que dans les dernières années, c'est développé dans les mouvements queer et les mouvements féministes de l'homonationalisme et du pinkwashing, c'est-à-dire... faire comme si les causes féministes ou les causes des minorités sexuelles, elles étaient un gage de civilisation pour les pays européens ou d'Amérique du Nord. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et Israël joue particulièrement un rôle dans le pinkwashing. Et du coup, ça nous importe de ne pas tomber dans ce panneau-là et de donner la parole aux luttes de Palestine. Et aussi, aussi comme on vient de dire, quoi, on est en solidarité avec notamment avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Et aussi, comme le dit Samajabr, que les personnes aussi directement affectées ou prioritairement affectées des fois par les contextes de nationalisme, les contextes de militarisation, les contextes coloniaux, c'est souvent des femmes et les personnes minorisées de genre. En tout cas pour toutes ces raisons-là, comme un ouragan, nous on soutient la lutte de libération de la Palestine avec tous les hommes, les femmes et les personnes queer de Palestine. Et justement pour commencer cette émission, il s'est passé, il y a eu une actualité importante à rappeler sur ce qui s'est passé en Palestine et à Jérusalem. Par rapport à ça, Monira, tu veux bien nous présenter un audio qu'une camarade de Palestine a fait ? Alors, c'est important pour nous que le récit palestinien soit récupéré par les Palestiniens et les Palestiniennes et raconté par elles et eux. Et du coup, on a une camarade qui s'appelle Nada Awad, qui est une Palestinienne de Jérusalem et qui travaille avec une ONG basée à Genève. Et cette camarade, elle nous a fait un petit audio qui dure 3 minutes où elle explique un peu la situation à Jérusalem et dans le reste de la Palestine, en fait. Et du coup, je trouve que c'est important de voir ce qui se passe, pas comme des événements... qui arrivent d'un coup en fait, mais comme une continuité de la Nakba de 1948. Et Nada nous l'explique dans un petit audio qu'elle a partagé avec BDS France et que nous on a envie de partager aussi un peu partout. Bonjour, Je m'appelle Nada Awad, je vous parle aujourd'hui de Jérusalem, où les Palestiniens continuent de se mobiliser contre l'expulsion de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah. Aujourd'hui, nous commémorons la Nakba, ou la catastrophe, où 75% du peuple palestinien indigène est devenu réfugié et interdit depuis 73 ans de leur droit de retourner dans leurs terres et dans leurs biens. Mais la Nakba n'est pas finie en 48. Les Palestiniens continuent de vivre une Nakba continue. Depuis 1948, Israël a mis en place des lois, des politiques et des pratiques d'oppression et de domination du peuple palestinien. Au fil des années, Israël a fragmenté de manière stratégique le peuple palestinien pour nous empêcher de nous retrouver, vivre ensemble et réaliser nos droits fondamentaux, notamment notre droit à l'autodétermination. Cependant, aujourd'hui, les Palestiniens partout dans le monde et partout en Palestine mandataire se mobilisent contre le régime d'apartheid israélien. Les gouvernements israéliens successifs ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en toute impunité. La communauté internationale n'a fait que condamner les crimes sans prendre de mesures effectives pour y mettre fin. Aujourd'hui, le peuple palestinien, dans son entièreté, se mobilise pour démanteler le régime de domination et d'oppression israélien. Les Palestiniens bravent la peur et l'oppression, font face à l'armée, aux chars et aux avions militaires pour dire « ça suffit ». Notre campagne a pour but de dépasser la fragmentation du peuple palestinien instaurée par Israël et de réitérer que le régime d'apartheid, les lois et les politiques de domination et d'oppression israélienne visent le peuple palestinien dans son ensemble, avec la même intention de domination coloniale, que ce soit les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie, de Gaza, les Palestiniens de 48 et les Palestiniens réfugiés en dehors de la Palestine mandataire. Elle se place dans la continuité historique et réitère que les politiques israéliennes de domination et d'oppression ne sont que dans la continuité des crimes qui ont commencé dans les années 40, avec l'objectif de coloniser la Palestine, tout en niant aux Palestiniens leur droit de vivre dans leur pays et en les dépossédant de leurs biens et de leurs terres. Notre campagne a aussi pour but de changer le discours international, d'un discours qui se focalise sur la solution politique à un discours basé sur les droits de l'homme, dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Déjà, il faut changer la manière d'approcher la question. Si l'on décrit la situation comme un conflit qui doit être résolu par les parties au conflit, mis sur pied d'égalité, ce n'est pas seulement une approche erronée, mais aussi une approche qui détourne des causes fondamentales de la réalité sur le terrain. Un siècle de colonisation, de domination raciale et d'oppression sur le peuple palestinien dans son ensemble. Une leçon que nous avons apprise de l'histoire, c'est que les systèmes d'oppression et de domination ne sont pas des faits sans résistance. La société civile a joué un rôle central dans la mobilisation contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il est temps aujourd'hui pour la communauté internationale de reconnaître et répondre aux obligations juridiques que lui impose le droit international pour mettre fin à l'apartheid israélien, mais aussi à tous les systèmes de racisme structurel de par le monde. بحاراتك قلبي موعود بستنى باصي وصل C'était un morceau de Maggie Youssef, Bab El Hamoud, qui est le nouveau nom donné par les Palestiniens à la porte de Damas après qu'Israël l'ait renommée, d'après le nom de deux soldats qui avaient été tués là. Et au mois de mai, une partie des événements était aussi partie de cette porte de Damas. Et aussi du coup au mois de mai pour justement dénoncer cette nouvelle vague de violence de la part de l'État israélien et aussi parce que le 15 mai c'est le jour de la commémoration de la Nakba dans plusieurs pays du monde et dans plusieurs villes et dont Saint-Étienne, il y a eu des rassemblements de soutien à la Palestine. Notamment à Saint-Étienne, est-ce que tu veux raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce rassemblement du 15 mai et celui du 22 mai ? Alors, effectivement, on avait prévu de faire un rassemblement pour commémorer la Nakba, en sachant qu'au niveau actualité, il y avait ces expulsions, ces volontés d'expulsion des habitants palestiniens de Sheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem. Et du coup, nous, l'idée, c'était de créer un rassemblement pour commémorer la Nakba, mais montrer que la Nakba, elle continue, comme le dit Nada Awad dans l'audio qu'on a écouté tout à l'heure. Et du coup, on avait déposé ce rassemblement pour la place Chavanel le 15 mai. Et finalement, entre-temps, il y a eu les bombardements. Donc, on s'est rendu compte que finalement, il y allait avoir des rassemblements dans plein de villes en France. Et voilà, donc du coup, on était mobilisés. Il y a eu pas mal de monde, beaucoup de jeunes. Donc, on était très contents de cette mobilisation-là. On a fait une autre manifestation le 22 mai. Par contre, toujours au niveau de la France, ce qui est scandaleux, c'est que c'est le seul pays européen qui a interdit des manifestations pour la Palestine en plein bombardement sur Gaza. Donc ça nous montre que la situation politique en France, elle est aussi très dangereuse. Là, on est dans une période vraiment difficile. Et il y a vraiment de plus en plus d'attaques contre la solidarité, contre nos libertés publiques. En fait, dans ce sens-là, on est solidaires des Palestiniens, mais les Palestiniens et les Palestiniennes sont solidaires de nous aussi, comme le dit Nada Awad. C'est aussi des oppressions qui sont générales, qui sont dans le monde entier. Du coup, on est content d'avoir mobilisé. On espère garder ce mouvement pour faire plein de choses ensemble toute l'année, même en dehors des focus des médias sur l'actualité, quoi. Et effectivement, c'est un rassemblement qui a vraiment mobilisé beaucoup de personnes. Qu'on sent que c'est cette solidarité internationale, cette solidarité contre cette injustice en soutien à la Palestine, elle touche beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de se montrer, d'être là, d'être en soutien et de le dire fort malgré effectivement les interdictions. Et du coup, nous, on a été aussi à ce rassemblement et on s'est un petit peu baladé parmi les gens pour demander pourquoi vous êtes là, pourquoi c'est important de soutenir la Palestine. Du coup, on peut s'écouter un petit extrait là de ce moment de mobilisation du 22 mai à Saint-Étienne. Super. Première question, pourquoi vous êtes ici à cet rassemblement et pourquoi c'est important de soutenir la Palestine ? Alors déjà, c'est important de soutenir la Palestine pour la justice, parce que c'est vraiment injuste ce qui se passe là-bas. Et on peut pas combattre une seule injustice et il faut combattre vraiment les injustices pour tout le monde sur Terre et voilà. Eh bien, en tant que descendante de l'immigration postcoloniale, aujourd'hui, je me dois de soutenir un peuple qui est encore colonisé jusqu'à la libération totale, évidemment, de la Palestine. Dire stop à la colonisation, stop à l'apartheid et que vivent tous les peuples libres. Garde-moi ma veste. Et on devrait justement stopper tout ça, demander la paix. Que ce soit ici, le monde entier. Okay. Parce que les guerres, c'est pas beau. Ouais. Parce que, on est là parce que c'est un peuple qui est opprimé. Et je trouve que c'est légitime de vouloir les soutenir. Et on devrait être plus à venir et à montrer notre soutien pour cette cause-là. C'est ça. Et puisque on sait que le plus important, c'est le boycott et les attaquer au niveau financier, nous, on n'est pas les États, mais à notre échelle, on peut quand même venir et soutenir et par notre présence, apporter quelque chose. Le droit d'exister et de vivre dans leur pays, qui est le leur depuis toujours. Parce qu'on est en 2021 et ça fait 73 ans qu'ils se font massacrer des femmes, des enfants, des familles entières. Ils sont entières en prison à Tourbert. Qui sont considérés comme des terroristes, qui sont considérés comme des gens dangereux, des gens méchants. Donc je pense que le fait qu'on se rassemble et qu'ils voient qu'il y a des gens qui se rassemblent pour eux, qui se sentent soutenus, qui ne se sentent pas tout seuls. Et comme ils sont vus comme des terroristes, ils nous demandent de se rassembler pour prouver au monde qu'on est avec eux et que ce n'est pas des terroristes. Qu'on sait que c'est des victimes dans tout ça et qu'il faut les aider. Et surtout qu'on ne peut rien faire d'autre parce qu'on est tous bloqués par nos gouvernements. On ne peut pas aller les aider directement sur place. Donc le peu qu'on puisse faire, c'est de les aider financièrement et de se rassembler pour la mémoire de tous ceux qui sont morts gratuitement. Moi, je suis là pour soutenir le peuple palestinien. En priorité, déjà, pour dire la vérité, ce qui s'est vraiment passé, c'est à la fin du Ramadan, donc les agressions sur le Masjid al-Aqsa, pendant que les fidèles étaient en train de prier, sont rentrés dans la mosquée, qui est quand même le troisième lieu le plus saint de l'islam. Donc ils sont rentrés, ils ont gazé, ils ont tapé ceux qui priaient. Il y avait les expulsions en même temps à Jérusalem, donc dans la même ville. Gaza a voulu répondre en organisation des manifestations pacifiques. Israël a répondu comme d'habitude avec des bombardements. Là, il y a eu 9 morts et que à partir de là, les résistances, pas que le Hamas, les résistances palestiniennes ont répondu à partir de là, parce qu'on nous explique que Israël répond, mais c'est pas du tout ça. Donc moi, ça fait des années que je soutiens le peuple palestinien. Je continuerai à le soutenir parce que leur combat, il est juste de A à Z. Ils ont le droit au retour, ils ont le droit de reprendre leur terre, ce qui n'empêche pas de cohabiter. Mais on ne veut pas, voilà, de l'extrême droite israélienne, de tous les colons qui agressent en ce moment dans toutes les villes mélangées. Tout ça, on ne peut plus, ça fait des années. Je suis là parce que suite à ces dernières semaines, à tout le déluge en fait, qui a eu encore une fois de plus, parce que ce n'est pas une première, sur le peuple palestinien, tout simplement parce qu'on se sent concerné. Voilà, c'est une lutte qui n'est pas propre à un peuple ou à un pays, c'est une lutte internationale. C'est une lutte contre un oppresseur, contre un peuple oppressé. C'est un occupant qui occupe illégalement des terres et enlève des maisons. Voilà, c'est juste pour tout simplement être du côté d'une injustice. Voilà, dénoncer une injustice internationale. Ok. Bah, comme vous l'avez dit, du coup, c'est pour soutenir la Palestine et tout ce qui se passe à Israël et en Palestine. Se mobiliser, montrer qu'on est là, qu'on les soutient, pour montrer l'exemple, que tout le monde nous suive. Et voilà. Parce que c'est pas parce qu'il y a un cessez-le-feu, qu'il y a eu un cessez-le-feu il y a deux jours, que tout est terminé. Donc, l'oppression, elle dure depuis plus de 70 ans. En fait, premièrement, parce que nous sommes des Tunisiennes. Mmh. Et Israël, elle est même bombardée la Tunisie. Donc, je ne dis pas que cette cause, c'est spécialement tunisienne ou arabe. C'est une cause humaine, universelle. Mais on est là pour soutenir la Palestine. Et aussi pour marquer nos présences comme des Tunisiens contre les bombardements, contre l'humanité. Quoi. Ouais, bah, pour me révolter au niveau des Israéliens en Palestine, quoi. Mais bon, quand on voit les infos qui nous disent qu'il y a 200 morts côté palestinien et 12 israéliens, là, ça, le gouvernement ne bouge pas, l'Union européenne ne bouge pas, j'arrive pas à comprendre. Moi, ça me révolte. Voilà, du coup, c'était le micro-trottoir sur cette mobilisation-là du 22 mai. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission de soutien à la Palestine de Comme un ouragan. Et du coup, on entend là comment c'est important pour beaucoup de gens d'être là, d'être présents, de rappeler de la solidarité, de dénoncer l'injustice, de aussi, comme on l'a dit plus avant dans l'émission, de réécrire la vérité aussi, de ne pas laisser juste l'histoire officielle des États européens ou d'Israël s'écrire, mais que les gens, ils ont à cœur aussi là de dire qu'ils sont pas dupes. C'est aussi pour ça que c'est d'autant plus choquant là les interdictions de manifestations qu'il y a eu. En tout cas, je trouve que le micro-trottoir, là, c'est vraiment super. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui, je pense, n'ont pas super l'habitude de s'exprimer. Et pour autant, ils disent plein de choses super intéressantes. Donc, moi, je trouve que c'est super bien. Ouais, mais je sais pas, ça a déjà été dit tout à l'heure. Du coup, c'est qu'il y a quand même plusieurs villes en France qui ont interdit la manifestation, dont Paris. Et il y a une petite vidéo qu'on peut voir sur Mediapart que j'ai trouvée très bien faite. Ça dure 12 minutes et ça montre cette manif. Et on voit que les gens, ils se sont mobilisés. Et vraiment, la répression policière a comme empêché les gens de se retrouver, de construire de l'intelligence politique ensemble, de prendre la parole, de se parler et tout ça. Et on crée une sorte de climat guerrier, quoi. C'était aussi dans d'autres villes, à Nice et à Grenoble, que les manifestations étaient interdites. Et encore une fois, effectivement, c'est intéressant d'écouter les gens s'exprimer par rapport à ces interdictions. Parce que pareil, les gens, ils dénoncent bien, en fait, pourquoi c'est interdit dans cet État français raciste et islamophobe, entre autres, et pro-Israël. Enfin, voilà, bref, on peut s'écouter la deuxième partie du micro-trottoir. Il y a eu pas mal de manifestations qui ont été interdites en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu dis quoi? Dans un pays où ils aiment dire qu'on est, c'est la liberté d'expression, on a un gouvernement qui lutte pour cette liberté d'expression, qui défend certains journaux avec lesquels on ne peut pas être tous d'accord. Je pense à Charlie Hebdo. Ça, aujourd'hui, être le seul pays d'Europe et même Israël n'a interdit aucune manifestation, c'est révoltant. C'est révoltant. Il y a une partie du peuple qui n'a pas le droit, de sortir manifester, qui n'a pas de droit, parce que c'est un droit pour nous aujourd'hui de sortir manifester. On nous enlève ce droit-là et on est le seul pays de l'Union européenne. Aberrant. Ça, je ne l'ai pas. Parce qu'on est libre de s'exprimer. Qu'en France, c'est va travailler et ferme ta gueule. Franchement, c'est scandaleux parce qu'en France, on a soi-disant le droit de s'exprimer et on ne le voit pas. Et voilà, mais il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, il faut qu'on continue de manifester pour montrer que la France ne soutient pas Israël, que les Français ne soutiennent pas Israël. C'est n'alors pas la liberté d'expression pour moi, parce que si on a le droit de s'exprimer sur tous les sujets, normalement on a le droit de manifester, on a le droit d'être pour une cause, et c'est de la censure en fait, tout simplement. Bien sûr, et en plus de ça, on faisait passer cette cause-là pour parler comme si c'était quelque chose... Une cause contre quelque chose, mais c'est avant tout aussi pour un peuple qui est opprimé. C'est pas forcément. C'est bien sûr, il y a des boycotts, etc., mais c'est pas pour déverser une haine contre des personnes. C'est pour soutenir des personnes qui souffrent, qui sont en souffrance et qui meurent. Attends, la Vichy, quand on a interdit beaucoup de choses, ça nous rappelle que. La France a beau être liberté, égalité, fraternité, que c'est un gros mensonge. Je vois quoi ? Qu'est-ce que vous pensez ça de nous ça évoque que la France, elle a déjà choisi son camp depuis des années. Et que la France va devenir une dictature, parce que c'est l'un des principes fondamentaux de la France, pour la liberté de manifester, de se rassembler, la liberté de presse, la liberté de tout ça. Mais en fait, on voit que... La France choisit ses causes libres. Voilà, ça dépend. Si on aurait peut-être manifesté pour autre chose, ils seraient d'accord, mais pour la Palestine, ils ne sont pas d'accord. C'est une censure, en fait, en quelque sorte. C'est un droit, en plus, qui nous est confisqué, tout simplement. Il n'y a rien à dire de plus. Donc un argument de plus à rajouter à toutes les luttes. Donc malheureusement, au lieu de que la liste diminue, elle continue à s'allonger. C'est dégueulasse, c'est tout. Nous, on était là la semaine dernière, ouais. Et ça s'est plutôt bien passé, donc c'est dommage d'interdire ce genre de choses. C'est ça. On nous a interdit de marcher aussi, je comprends pas pourquoi. Parce que certes, on était beaucoup, mais là, à Style, en ce moment, ils sont le triple, voire le quadruple, et ils se baladent, tout se passe très bien. Pourquoi on ne pourrait pas marcher? Pourquoi on ne pourrait pas s'exprimer, en fait? Je pense que c'est malheureux pour un pays qui se prend comme un pays de liberté et des droits d'homme, etc. Donc je pense que c'est malheureux de vivre ça. C'est la démocratie à la blanc, quoi. C'était un plaisir d'écouter toutes ces explications. Trop bien. Et puis, peut-être avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on va prendre le temps de discuter avec toi, Amal. On peut s'écouter une petite musique? Oui, pourquoi pas. Peut-être, Amal, comme tu l'as choisi, tu peux nous dire ce que c'est comme musique? En fait, c'est une chanson traditionnelle qui le maman palestinien et chanté pendant la visite de ses enfants prisonniers pour passer un message codé. En fait, ils ont utilisé une chanson et ajouté des lettres à chaque mot pour passer le message. Pour dire pour leurs enfants, il y a les révolutionnaires qui viennent pour les libérer ce soir, pour que les soldats, et ils savent pas le message direct. Donc après, c'est devenu une musique, une chanson de tradition qui chantait tout le temps en Palestine. Ok, super. Et donc la chanson, elle s'appelle يا طالع عين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بين اليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال اللي ذي جوين اللي كم محبوس بين اليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال اللي ذي جوين اللي كم ميدوم بين اليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمن عين للهنا يا روح. Et ben merci en tout cas pour cette chanson, je trouve que c'est très fort, ouais, à écouter. Ouais, c'est très fort et passe. C'est un de chansons traditionnelles en Palestine. C'est notre culture et ben c'est une partie de l'histoire de Palestine depuis le mandat britannique jusqu'à la occupation de 48. Ouais. Et comme il a dit Mounir tout à l'heure, Palestine. Ils vivront chaque année, ils vivront un deuxième du Nakba. Mm. Entre la colonisation, entre la domination des maisons, entre toutes les violations qui commettent Israël contre les Palestiniens dans leur vie quotidienne. Israël, c'est un état de bataille. Mm. Donc. C'est pas facile à expliquer parce que ça me rappelle beaucoup des souvenirs avant que je sois arrivée en France, en deuxième intifada. Et aujourd'hui, on a un problème, ce qui est passé en Palestine la dernière au mois. Et ce n'est pas la première fois des Palestiniens qui ont reçu des décisions d'État pour dire « Voilà, on prend votre maison, on détruit pour construire un... pour donner la maison à un colon ou de construire une colonie. » À Haïcha Jarrah, ça fait 10 années qui passe aux tribunes israéliennes pour n'y pas passer cette décision. Déplacer 500 personnes de leur maison. Déjà, ils étaient déplacés pendant les guerres 48, les Nakba. Et maintenant, ils vivent un deuxième Nakba pour eux. Et pour la nouvelle génération aussi. Et... Haï Salouane, aujourd'hui, il y avait une décision de l'État, du traité d'occupation israélienne, et demande les gens, jusqu'à la fin du mois de juin, soit eux-mêmes quitter la maison pour la demeurer, ou soit eux-mêmes demeurer leur maison. Imagine, après 10 années qu'ils vivent dans une maison, tu es obligé de te détruire toi-même ton maison. Ce qui passe en Palestine, c'est pas un conflit. Ce que je veux dire pour les gens, c'est pas un conflit, c'est pas une guerre, c'est une cause humaine, c'est un C'est des crimes contre l'humanité, crime. Quoi. C'est un crime. Mmh. C'est un crime. C'est une colonisation qui transfère la vie de Palestiniens en enfer. Bah, moi déjà, je veux vraiment bien te dire vraiment merci de venir causer aussi ici et de porter ta voix. Parce que, comme tu le dis, j'imagine que ça ne doit pas être que facile. C'est pas facile. Facile. C'est ouais. pas facile. C'est ouais. pas facile parce que chaque fois... Moi, ça fait 2 ans que je n'étais pas en Palestine. Mais chaque fois, quand je parle, je rentre avec trop C'est trop. Mentalement, c'est trop. De chaque fois quand je vois comment les gens vivent, comment la vie de Palestine est devenue plus et plus difficile, surtout quand on passe les frontières et l'autorité palestinienne, il y a aucun on dit l'autorité palestinienne, on dit un État palestinien, en fait c'est pas un État, c'est un accord qui est rien. Mm-hmm. Ah, parce que ça continue, les crimes des Israéliens, ça continue toujours. Je comprends qu'on parle avec un corps de paix, ça veut dire toutes les règles, c'est respecté, mais ça, il ne respecte aucun de ces accords. Et est-ce qu'il y a un message particulier que tu veux faire passer ce soir? Sur ça, ce soir, c'est par rapport aux enfants de Palestine. Mm-hmm. Pour moi, très important de parler de la prisonnière. Mm-hmm. Il y a des enfants, il y a 400 enfants en 2020 étaient arrêtés par les occupations israéliennes. Les enfants qui la seule crime qu'ils ont fait, c'est jeter le pierre. C'est tout. Un enfant, ça commence de 10 ans, 11 ans, jusqu'à 18 ans. On parle des enfants de moins de 18 ans qui est arrêté et la condition d'arrestation c'est illégal et l'autorité occupationnelle ne respecte pas l'âge d'enfant et leur droit de avoir un avocat ou pendant l'arrestation avec leurs parents, mmh. en fait. Donc, il y a beaucoup de tortures, il y a beaucoup de violences, des enfants menacés, s'ils signent pas la voix en hébreu, sans présence de l'avocat. Et nous, c'est de 20 ans, des fois, de prison pour juste en jeter un pied. C'est. Ouais, puisque ce que tu racontes là, c'est vraiment de la violence organisée, quoi. Organisée par l'État, oui, quoi. Enfin, parce que moi, je trouve que c'est l'autorité de l'occupation israélienne et cibler les enfants, cibler les générations moins de 18 ans. Parce que c'est une génération, en fait, pour ne pas parler de Palestine, pour ne pas penser à résister contre l'occupation. Donc, c'est un systématique, c'est une procédure systématique et c'est ciblé, en fait. Après... je pense comme à maman, imaginez les mamans palestiniennes qui ses enfants arrêtés et n'arrivent pas à le voir. L'autre fois, il y avait un journaliste qui était arrêté pendant les problèmes de Cheikh Jarrah. Et ils partent, qu'ils attendent les enfants qui crient, qu'ils demandent leurs enfants, les enfants à arrêter. Donc, imaginez un enfant qui est dans une cellule individuelle, bander les yeux, attacher les mains. Il ne sait pas il est où, qu'est-ce qu'il fait. C'est juste pour un petit acte Elle n'est pas armée, elle est pas, c'est un enfant, en fait. Mais du coup, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est important d'insister sur les enfants parce que c'est la génération à venir. Oui, c'est la génération. Et la génération qui, cette fois, moi, je trouve qu'ils sont plus forts, plus forts. Ils connaissent bien leur cause, leur histoire. Et ce que me fait comment on dit, j'étais surpris en fait que cette génération, ils ont fait beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux. Quand on parlait de le Cheikh Jarrah, et en Palestine, on parlait que les générations, ils ont commencé à oublier leur cause. En fait, non, c'était une surprise pour tout le monde que cette génération qui arrive vraiment avec un petit hashtag sur les réseaux sociaux qui parlait de leur pays, leur cause, leur... C'est juste un simple hashtag qui est changé. Tout. Maintenant, les gens ils sont commencé à comprendre plus sur la cause palestinienne. Aussi par cette petite hashtag. Il y a des gens, vraiment, ils ont changé les idées. Ils ont compris mieux la situation en Palestine. Toi, tu as cette impression-là, qu'il y a ça qui bouge, que la compréhension de la cause palestinienne, en tout cas, elle avance aussi. Oui, je crois de ça. Plus qu'on parle, plus qu'on explique les gens vraiment ce qui passe. Et moi, je ne compte pas sur les télés, les médias, les infos. C'est les politiques qui jouent dans leur mission ou sur leurs enfants. Moi, je compte sur les gens, sur les peuples qui eux-mêmes, il faut qu'ils comprennent ce qui passe vraiment en Palestine. C'est eux qui on a besoin, c'est eux qui leur solidarité nous compte beaucoup en Palestine. Merci d'être là et ça montre déjà que même en diaspora tu es toujours en solidarité. Et est-ce que la diaspora palestinienne, elle est en contact avec la Palestine, c'est possible pour les gens de circuler, de... Elle est, je n'ai pas bien compris la question, mais est-ce que si vous parlez de Palestiniens qui sont réfugiés, non, et ils n'ont jamais oublié leur histoire. Ce qui c'est transmis entre les générations. Quand on parle de l'enfant de 6 ans maintenant. Si tu demandes ce qui au Palestine va raconter toute l'histoire de Palestine depuis les mandats britanniques jusqu'à l'occupation, jusqu'à maintenant. Donc non. Et c'est une tradition qui on raconte pour nos enfants sur Palestine. Par différentes, c'est pas juste pour raconter des histoires la nuit avant que dorment les enfants, non. C'est par les cultures, par exemple un simple repas, dire c'est un plat palestinien qui les Alliés aussi essayaient de voler, parce qu'ils ont essayé aussi de voler les cultures palestiniennes pour dire c'est nous culture, mais c'est pas vrai, c'est pour les cultures palestiniennes. Donc, par simple repas, par notre tatris, en fait, c'est les broderies, par les chansons, par les tepkés, partout. C'est ce qu'on transmet pour nos enfants, pour qu'ils n'oublient pas la Palestine. Je trouve que c'est intéressant de relier la mémoire avec la culture palestinienne. Oui. Parce que c'est ce que tu me disais, ce qui te tient à cœur, hein, la cuisine palestinienne, la culture, en fait, tout ce que tu transmets. Oui, parce que moi, souvent, je fais des repas, les repas palestiniens chez moi. J'explique pour mes enfants. Ils me font les repas avec moi. On raconte des histoires. Des fois, je mets des chansons,

Et vous êtes toujours sur Comme un ouragan sur Radio Dio 89.5 pour l'émission spéciale sur la Palestine. Du coup, bah là, on a vu un peu différents moyens de soutenir, d'être en lutte, que ça soit d'aller au rassemblement, parler de son histoire, la transmettre, d'être là aussi. Et du coup, est-ce que ça vous dit là de continuer à se donner un petit peu aussi qu'est-ce qui est possible de faire là aussi concrètement pour rester en résistance et en soutien? Oui, pour nous comme Palestiniens, c'est très important que les manifestations, c'est bien pour montrer la solidarité pour les Palestiniens. Mais aussi, il faut qu'on parle aussi du boycott des produits israéliens. Et parce que ces produits, ils ont produit dans les colonies israéliennes, la plupart de ces produits. Donc, cette colonie qui était construite sur des terrains volés, terrains palestiniens volés par l'autorité d'occupation. Donc, quand on achète ces produits, ça veut dire que nous, on supporte la colonisation. Donc, c'est très, très important pour les Palestiniens, n'aient pas acheté des produits de colonies israéliennes, ni bien acheté des produits israéliens, parce que chaque centime que je vous paye pour ces produits, vous achetez un pal qui tirait vers les enfants de Palestine et vers les Palestiniens. Et ouais, tout à fait, hein. faut toujours rappeler le boycott et je suis contente que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui le fasse aujourd'hui. Merci Amal. Et du coup, tu parlais du boycott des produits israéliens et c'est vrai que c'est super important. Et mais il y a aussi le boycott d'entreprises internationales qui participent à la colonisation, à l'occupation. Et notamment là, dans les entreprises françaises, tu as AXA, qui est une entreprise d'assurance et qui a des investissements dans une entreprise d'armement israélien, Elbit Systems, et des investissements dans des banques israéliennes qui participent à la colonisation. Donc il y a vraiment des liens qui sont faits qui sont clairs entre ces entreprises internationales et la colonisation, l'occupation. Il y a... le rôle d'HP, par exemple, qui a été épinglé en Palestine. En fait, le rôle d'HP, c'est d'équiper les checkpoints. Donc là, c'est pas difficile de voir leur participation dans l'oppression des Palestiniens, parce que du coup, c'est eux qui équipent ces systèmes de sécurité. Ils équipent aussi les prisons israéliennes dans lesquelles sont enfermés les prisonniers palestiniens. Donc tout à l'heure, tu parlais des enfants en prison, HP participe à ça aussi. Ouais. Et ils font les papiers d'identité biométriques des Palestiniens aussi. Donc voilà, il y a vraiment une complicité quoi, claire des entreprises internationales. Et proche de nous aussi, on peut citer Puma. Puma sponsorise la Fédération israélienne de football, donc donne une bonne image à l'équipe israélienne et fabrique ses équipements dans des entreprises qui ont été épinglées par l'ONU parmi la liste des entreprises qui participent à la colonisation, donc qui sont installées dans les colonies israéliennes et tout. Donc c'est super important. Et tu as parlé aussi tout à l'heure de un peu d'appropriation culturelle en fait, de Israël qui se réapproprie la culture palestinienne. Tu pensais à quoi en particulier? Je pense pour la cuisine palestinienne, par exemple, comme un simple recette, par exemple les falafels et hummus. Okay. Ils disent c'est leur culture. En fait, c'est un recette palestinien qui ça fait 10 années. C'est pas qu'un palestinien. Mais ça fait des années, ça fait des siècles que les Palestiniens les font. Les kofias, maintenant, c'est le tour de kofias. Ça me fait rire l'autre fois parce que j'ai vu que Louis Vuitton qui a fait un coffee. Ah bon? Bah ouais, qui a vendu à, je sais pas, 1000 balles avec les colères de travaux d'Israël. Bah, bravo, pour eux. Mais non, c'est Kofi, c'est à nous, c'est l'histoire de Palestine, c'est pour les Palestiniens. Ça fait partie de l'histoire, de l'héritage en fait. Bien sûr. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles, dans BDS, on intervient. Quand il y a des articles d'appropriation culturelle, il y en a eu un récemment dans Elle, le magazine Elle, où il parlait de cuisine israélienne et il parlait du hummus et tout. Et du coup, c'est aussi notre rôle d'interpeller tous ces journaux qui font de l'appropriation culturelle en parlant de la culture palestinienne comme si elle était israélienne, quoi. C'est aussi pour les Palestiniens, et tu me diras si tu es d'accord, mais c'est aussi une façon de continuer à effacer les Palestiniens. Oui, c'est ça. Et effacer toute l'histoire pour dire, voilà, la Palestine, elle n'existe pas. Oui, et puis... Mais Palestine, elle existe. Toujours. Toujours. J'avais aussi envie de rajouter le volet du boycott culturel. Parce que dans les 10 ou 15 dernières années, on a vu de plus en plus dans des festivals de films LGBT, beaucoup de films qui étaient présentés et qui étaient toujours très financés par l'État israélien, et dans les festivals féministes aussi. Et du coup, c'est important de regarder l'appel du PACBI, il est très clair. Ça veut dire le boycott, c'est pas boycotter des personnes. Le mouvement de boycott, c'est pas un mouvement raciste, bien sûr. Donc on boycotte pas des gens parce qu'ils viennent d'Israël. Mais par contre, on boycotte des films, on boycotte des concerts parce qu'ils sont financés par l'État d'Israël pour pouvoir promouvoir une certaine image de marque. Et d'ailleurs, la marque d'Israël a été déposée. Et ça, c'est important dans tout le mouvement queer et féministe de bien dénoncer cela. Ok, et ben en tout cas encore une fois merci beaucoup pour cette émission. Voilà, du coup pour rappel, on est sur Radio Dio là 89.5 sur Comme un ouragan, l'émission spéciale en soutien à la Palestine. Et merci à nos deux invités spéciales, à Amal et Mounira. Merci. J'espère qu'on se recroisera dans différents endroits, peut-être à la radio, peut-être ailleurs. Et je propose que pour finir, on s'écoute le dernier micro-trottoir, qui était vraiment des messages de soutien de soutien aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Voilà, du coup, c'est des petits messages qu'on peut s'écouter pour continuer à se donner de la force. Et juste avant, je voulais annoncer les petites actus de BDS à Saint-Étienne. Donc déjà, avec BDS, on a un mouvement Artists for Palestine qui n'est pas tout le temps très actif, mais qu'on a réactivé là récemment. Et un camarade qui est lui réalisateur a contacté pas mal d'artistes stéphanois pour exprimer une solidarité avec la Palestine, mais par des artistes locaux. Et donc ça, c'est super bien. Il a fait un petit film et du coup, il sera diffusé vendredi au Méliès avant un film palestinien qui s'appelle 200 mètres. Et c'est une soirée spéciale BDS où on sera présent pour discuter après la projection du film et tout. Donc on vous invite à venir nombreux et nombreuses voir ce petit clip Artists for Palestine, puis ce film palestinien. Et puis le samedi 12, BDS sera aussi dans les manifs pour les libertés. Et voilà, donc on vous invite vendredi 11 au Méliès à 20h30. Ok, c'est le moment des petits mots de soutien. C'est parti. Dernier truc, tu as des petits mots de soutien, de résistance pour les camarades palestiniennes? Eh ben, faut pas lâcher, courage à eux. Je sais que c'est déjà des gens très courageux, mais faut jamais lâcher. On est avec eux, on est derrière eux. Palestine vivra, Palestine vaincra, et vivent les peuples libres. Et ben, même si à notre échelle on ne peut pas faire grand chose, on va toujours partager, on va toujours montrer les images, parce qu'il faut ouvrir les yeux aux gens, et force à eux, courage à eux, et Dieu est de leur côté de toute façon. Grosse pensée aux Palestiniens, surtout aux Gazaouis qui sont enfermés depuis des années derrière un mur, qui n'ont jamais rien vu autre chose de, ouais, dans leur vie que les murs de Gaza et la mer de l'autre côté. Nous, on connaît des gens sur place, donc on les soutient tous les jours fort. Il faudrait que tout le monde se mobilise au moins une fois et qu'on essaye de faire quelque chose. On ne peut pas laisser ce massacre encore continuer des années. Le message que je pourrais leur dire, moi, c'est qu'on est tout cœur avec eux. Même si on ne peut pas vraiment les aider, mais on les soutient dans leur cause et on espère que ça va vite se finir pour eux. C'est ça, on leur fait des prières, on pense fort à eux et faites que ça s'arrange, que cette injustice cesse en fait. Nous sommes toujours avec eux, avec tous les camarades qui sont en galère. Ouais. Non pas les Palestiniens seulement, mais avec le peuple d'Amérique du Sud, Amérique latine et les autres peuples, tous les autres. Tahia Palestine. Tahia Palestine. Et pour les frères et sœurs palestiniens, parce qu'on est tout un peuple, c'est une humanité. Normalement, c'est la solidarité. Et je suis tout cœur avec eux et je les soutiens contre les oppresseurs, qui que ce soit.